La liseuse par Gustave Geffroy. Chez aucun être, l'imprimé n'a sans doute joué le grand rôle despotique de tous les instants qu'il a joué et joue toujours chez cette vieille demoiselle si menue, si fine, si charmante et si casanière. Elle habite, non loin de Paris, une petite ville correcte et blanche comme elle, juchée au sommet d'une colline forestière, embaumée de l'odeur des feuilles, éclairée par la lumière verdâtre et mystérieuse des bois. C'est un arrangement élégant d'existence tranquille, un asile de discrétion et de silence, mais d'où l'on a une vision grandiose et formidable. Au-dessous de la lisière de la forêt, au-dessous des maisons en terrasse, l'énorme plaine s'étend, le fleuve aux larges boucles charrie son limon, la grande ville enfume l'horizon pendant les jours, l'éclair de sa lueur pendant les nuits. Un tel espace où se dresse et se panoramise un tel décor transforme la petite ville claire et muette. La retraite cachée devient un magique observatoire d'où l'on domine un champ de bataille possible, un amas vivant de maisons où tressaille une foule. C'est beau, solennel et tragique, vu de cette calme hauteur, comme une étendue de mer enflée et bruissante, aperçue de la chambre d'un solide et vertigineux clocher. Mademoiselle Félicité, qui n'avait pendant de longues années séjourné là qu'au beau jour, s'y était enfin choisie sa demeure définitive. Elle vivait ainsi avec Paris dans le cadre de sa fenêtre, à la fois tout près et très loin, et il se trouvait, par la bizarre et secrète logique des choses, que c'était le symbole exact de son existence. La vie aussi fut toujours pour elle installée à la ligne d'horizon, sous ses yeux et très reculée, lue et non vécue. Elle était née maladive d'apparence et énergiquement imaginative. Aucune affection morbide précise, aucun signe d'un état local alarmant, mais une langueur de corps, une délicatesse d'épiderme, une faiblesse de mouvement, qui pouvaient faire croire toujours proche de fréquentes avaries et d'irrémédiables catastrophes. Elle accomplit tout de même son chemin vital, sans accroc, sans secousse, infiniment bien soignée et garantie de tout mauvais cas par les siens, et surtout, admirablement préservée par elle-même, dès son premier éveil aux sensations, presque dès ses premiers pas et ses premiers bégaiements. Comme d'autres, comme presque tous les autres, fournissent immédiatement les preuves irrécusables de l'instinct de vivre qui est en eux, elle affirma, elle, avec une volonté sérieuse, une patience sûre d'elle-même, l'instinct de ne pas vivre qui était inné en sa frêle et gentille personne. Elle comprit tout de suite qu'elle devait se refuser à l'action, ou tout au moins elle parut le comprendre, car elle affirma tranquillement par son attitude, par le choix de ses occupations, par son refus jamais hésitant de se manifester extérieurement, la décision d'inactivité incluse en elle est absolument indélogeable. Elle eut, vis-à-vis des actes qu'elle devait éviter, le même flair rapide et sûr, tout de suite confiant ou méfiant, qu'est celui des bêtes avisées et renseignées qui discernent les bonnes herbes et les plantes vénéneuses. Elle connut les températures bienfaisantes par lesquelles elle pouvait vivre dehors et les températures hostiles avec lesquelles elle ne devait pas se mesurer. Enfant, elle dosa ses récréations et ses travaux, discerna l'hygiène et la nourriture qui lui étaient propices. Jeune fille, elle renonça sans éclat, par sa seule manière d'être, à ce qui constitue la vie physiologique et sociale de la femme, à l'amour, à la maternité, au mariage. Elle fut un être spécial, très exquis, très tendre, mais très à l'écart, douillettement et égoïstement blottie dans la vie intérieure. Car elle vécut, et très ardemment, par la lecture. Au jour où ses yeux, pour la première fois, déchiffrèrent les lettres noires alignées sur la feuille blanche, au jour où son esprit découvrit un sens à ses hiéroglyphes, elle devint la spectatrice de l'existence, placide de pose, sereine de visage, et violemment intéressée derrière son petit front blanc, ses yeux bleus limpides. Ce qu'elle lut, elle lut tout. Ses livres furent en parfait rapport de parallélisme avec son âge et avec sa pensée. Ses menottes d'enfant, courtes de pommes, les doigts petits, tinrent les volumes à images et à grosses lettres de l'enfance. Ses doigts pâles et effilés de jeune fille frôlèrent des pages de rêverie. Ses mains faites, blanches et roses, de femmes définitives prirent possession des œuvres vivifiées par le désir du vrai, traversées par l'essor des hautes pensées. Et voici aujourd'hui qu'elle est devenue vieille, de plus en plus mince et légère de corps. les cheveux couleur de vieil argent, les yeux bleus dans son calme visage, comme deux lacs purs et froids dans la neige. Voici que ses mains transparentes, à peine veinées, les ongles à peine roses, reprennent les livres de toute sa vie, ceux de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, ceux d'il y a longtemps, ceux d'hier, les contes de fées, les histoires merveilleuses, les doux romans, les romans d'aventure, les poèmes enchanteurs, les livres de vérité, les testaments d'intelligence, toutes les fantaisies et toutes les sciences. Ce que l'humanité a écrit, ce qu'elle a confié d'elle aux feuillets qui traversent le temps, ce qui a été résumé des millions d'existences écoulées, tout cela a été destiné à Félicité. Tout cela est venu la trouver chez elle, dans sa petite maison blanche de province, dans son jardin qui domine la plaine, le fleuve et la ville. C'est pour elle que les penseurs ont pensé, que les poètes ont chanté, que les savants ont découvert et formulé. C'est pour elle que les manuscrits surchargés de ratures ont été transmis d'âge en âge. C'est pour elle que l'imprimerie a été inventée. Toutes les hautes marées de la littérature qui se forment et s'élèvent à chaque siècle sont venues jusqu'à elle pendant la durée de sa vie, se sont élevées jusqu'à sa douce retraite. Tous ces flots agités ont déferlé avec des clameurs, comme à l'entrée d'un port tranquille, dans la chambre silencieuse, ont fait entendre à la recluse toutes les voix de l'espace. La frêle créature, naïvement d'abord, puis ardemment curieuse, a ressenti les sensations exprimées, s'est créée une personnalité composite, multiple, étrange de fantaisie et de réel. Elle a accompli tous les voyages, habité tous les pays, traversé toutes les civilisations. Elle a connu les départs chimériques, les retours désillusionnés. Elle a été ambitieuse et amoureuse, vertueuse et criminelle. Elle a été éprise de mousquetaires, elle a frémi des comptes rendus de tribunaux et de faits divers. Elle a concentré en elle les péripéties de tous et de partout. Elle est seule, bien seule désormais, fidèlement servie et gardée par d'anciens serviteurs, tous les siens partis, mariés ou disparus, morts plus vite usés qu'elle. Elle continue de lire. Toute sa maison est remplie de volumes, de journaux, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au grenier. Elle reprend ce qu'elle connaît déjà. Elle a ses préférés et elle s'enquiert aussi sans cesse des nouveaux. Elle veut savoir si un renseignement inédit, une façon de sentir nouvelle, ne vont pas lui être apportés par quelqu'un connu. Elle ira ainsi jusqu'à son dernier regard conscient, jusqu'à l'évanouissement total de son être fragile. Elle est heureuse de son passé, de son sort, de l'existence cérébrale si agitée qu'elle a traversée, des tempêtes, des orages qu'elle a connus, sans quitter le tiède abri toujours au beau temps. Ah oui, bénis soient les livres enchanteurs ou terribles, toujours bienfaisants, qui lui ont donné l'émotion, qui lui ont appris la vie. C'était La Luiseuse de Gustave Geffroy.